Pour l'instant, oui, nous avons suspendu un projet pour imprimer les bulletins. Ça ne veut pas dire que nous allons tout supprimer, mais pour l'instant, nous avons suspendu un projet. Nous disons très clairement que nous voulons soutenir les élections, mais que les élections doivent être organisées selon les engagements pris par les partis. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous voulons aussi avoir une réunion avec nos partenaires dès que possible pour voir ce qui se passe. Je pense que tout le monde, toute la communauté internationale est d'accord, les partenaires africains et les partenaires européens, qu'on ne peut pas accepter les résultats d'une élection qui n'est pas en ligne avec la feuille de route et ce que a décidé et la SEDAC et l'Union africaine.